Karim m'a dit, à des mots viens, j'ai dit pourquoi. Il m'a dit 185, j'ai dit pousse-toi, pa pa pa, j'fous toi. Roule ta niax, porte mes couilles pour ma part. Mais j'mettrai ta pique s'il y a un Glock sous la table. J'te fais pas de dessin, l'amour est rare, y'a que tes teintes. Ce qu'on veut, c'est que ça passe par le trou, comme au dessin. T'as 5000 amis, mais s'il y a embrouille, combien qui bouge. Plus dur de remplir son compte en banque que son compte Facebook. Ça part en couille comme une tasse qui voudrait le mariage. Cette année, j'fais le buzz comme si j'avais fourré Zaya. Tu rêves d'Hollywood, tu ferais mieux de viser les chewing-gums. Joue les fous, tu verras qu'y'a que mon couteau qui est suceur. Fais pas dur, y'a qu'en hiver tu peux jouer les gros poneys. Pareil qu'un noir peut voter blanc, demande à Dieu tonner. J'te dis d'avance, j'ai des flammes dans les deux. Donc enlève pas tes lunettes de soleil si tu comptes voir ce que j'ai dans les yeux. Voilà, voilà.